La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. En 2010, deux géologues de l'Université de Genève mènent des recherches sur le lac Léman et elles font une découverte inattendue, une anomalie dans les couches sédimentaires du lac qui révèle les traces d'un glissement de terrain sous lacustre ayant provoqué un gigantesque raz-de-marée. La découverte permet d'affirmer qu'un tsunami a dévasté les rivages du plus grand lac d'Europe occidentale à la suite donc d'une catastrophe en chaîne. Restée pendant longtemps une catastrophe légendaire, et bien le tsunami du lac Léman est devenu réalité grâce à la science. Je reçois dans un instant la chercheuse Stéphanie Girard-Clos et le journaliste et géologue Pierre-Yves Frey. Ils vont nous raconter cette véritable saga scientifique qui a fait trembler le lac Léman. Et vous pouvez leur poser dès maintenant toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Et c'est une carte qui fait la une de la science aujourd'hui. Oui Mathieu, la première cartographie mondiale des symbioses forestières. Les bactéries et champignons qui peuplent le sol des forêts. Vous allez voir, ils sont très très importants. Et c'est Frédéric Milano qui réalise cette émission préparée aujourd'hui par Chantal Le Montagnier. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Un tsunami sur le lac Léman et même des tsunamis, pour être tout à fait exact, sujet de notre émission cet après-midi avec mes invités que je salue, Stéphanie Girard-Clos et Pierre-Yves Frey. Bonjour à vous deux. Bonjour. Stéphanie Girard-Clos, vous êtes limnogéologue, c'est ça ? Tout à fait. Maître d'enseignement et de recherche auprès du département des sciences de la Terre et de l'Institut de l'Environnement à l'Université de Genève. Qu'est-ce donc que la limnogéologie, s'il vous plaît ? Bon, ben, la géologie, on connaît, c'est la science des roches. Et puis limno, c'est pour lac. Donc en fait, c'est géologue des lacs. Et Pierre-Yves Frey, vous êtes journaliste et géologue, donc vous avez publié un tsunami sur le Léman, Torre d'Hunnom, 563, avec Sandra Marongiou. C'est aux presses polytechniques et universitaires romandes. Stéphanie Girard-Clos, un tsunami donc sur le Léman, ça c'est un titre formidable pour accrocher le public. Est-ce que du côté des scientifiques, ça accroche également ou finalement il y a beaucoup moins de surprises ? Alors, d'un côté, oui, c'était quand même quelque chose de nouveau, parce que sinon on n'aurait pas réussi à le publier dans un journal international de fort impact. Ceci dit, pour un géologue, c'est tout à fait normal. Dès qu'on a un plan d'eau, qu'il soit petit ou grand, on peut avoir un tsunami. Ouais. Donc, en soi, sur le principe, c'est pas une découverte. Ouais. En tout cas, pour le public, c'est une découverte réelle, là, pour le coup. Et on va décrire exactement ce que vous avez trouvé donc en 2010, hein, lorsque vous partiez étudier les sédiments du lac Léman, pour pas du tout y chercher des traces du tsunami à l'époque. Hein. Non, on cherchait les grandes crues, un autre type de catastrophe. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout les tsunamis en tête. Ouais. Pierre-Yves Frey, l'histoire était trop belle hein, pour un journaliste comme vous. Hein. Oui, j'étais comme un enfant dans un magasin de bonbons quand je l'ai entendu. Effectivement, il se trouvait que par hasard, je faisais un intérim à l'Université de Genève et je devais écrire le communiqué de presse lié à la publication de Stéphanie. Ouais. Et donc je suis allé la voir, on se connaissait vaguement parce qu'on avait fréquenté à peu près la même faculté. Et donc elle m'a raconté cette histoire et je suis sorti de là, j'avais des étoiles plein les yeux. C'était pas des étoiles de mer, c'était des étoiles de lac, mais j'avais très très envie qu'on raconte cette histoire. Et c'était au bord de chez vous, hein, à Genève précisément. Puisque... Alors tout à fait, oui, j'ai pas eu plus peur du lac avant qu'après d'ailleurs, mais effectivement tout d'un coup on avait un ancrage local qui était splendide là. Alors on va découvrir qu'en réalité il y a eu 6 tsunamis connus hein, dans ce lac Léman et que d'autres événements du même type pourraient un jour avoir lieu, hein, évidemment, mais il faut évidemment là aussi parler à la science et c'est ce que nous allons faire ensemble dans quelques minutes avec les questions des auditeurs qui vont nous rejoindre, franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. C'est pas une racine qu'on a là, c'est une racine champignon. Et ce sont ces petites racines-là, ces millions de petites racines, ces centaines de millions de petites racines qui vont absorber ces éléments nutritifs. Ce réseau mycélien, il peut couvrir des kilomètres carrés. Donc si on essaie de calculer grossièrement, la moitié de la masse de la forêt, c'est du champignon. Et à l'instant, la voix du microbiologiste Francis Martin en 2005 pour parler de l'avenir des arbres sur la planète qui se jouera dans le sol des forêts. Champignons et bactéries sont ensemble à la une de la science, Axel Villard. Et oui Mathieu, et c'est une publication d'envergure qui va nous intéresser aujourd'hui. 200 chercheurs répartis sur plus de 80 pays qui publient ensemble la première cartographie mondiale des symbioses microbiennes d'arbres, l'association des arbres et des micro-organismes du sol, bactéries et champignons. Grâce à cette carte, les chercheurs sont en mesure d'imaginer l'avenir des forêts dans un monde qui se réchauffe et où les symbioses vont changer. Pour en parler, nous recevons l'un des auteurs de ces travaux, Bruno Hérault, bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue pour l'unité forêt et société au CIRAD et vous nous parlez depuis l'Institut National Polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire où vous travaillez également. Alors qui dit forêt dit forcément champignons et bactéries symbiotiques, l'un ne va pas sans l'autre, Bruno Hérault. Oui, tout à fait. En fait, les symbioses sont constituées de micro-organismes qui sont intimement associés aux racines des arbres et qui vont aider les arbres à exploiter les nutriments organiques, inorganiques et même les nutriments atmosphériques qui vont permettre aux arbres de grandir. Alors, dans le sol, concrètement, comment est-ce que se fait l'association? Est-ce que les organismes fusionnent complètement? Comment ça se passe au niveau microscopique? Ok. En fait, il y a différents types de symbioses. Il y en a trois grands types. Il y a les symbioses endomycorhiziennes qui vont pénétrer à l'intérieur des racines des arbres. Les ectomycorhizes qui ne pénètrent pas les parois cellulaires mais qui vont simplement entourer les racines de l'arbre en formant un manteau de mycélium. Et puis le troisième type de symbiose auquel nous sommes intéressés sont les bactéries fixatrices d'azote qui vont avoir la capacité de fixer l'azote atmosphérique pour le transformer en molécules assimilables par les arbres. Alors pourquoi est-ce que cette carte mondiale des symbioses d'arbres que vous publiez et qui fait la une de la revue Nature était importante? Qu'est-ce qu'elle nous permet de voir en plus aujourd'hui? En fait, c'est une ambition scientifique qu'on avait depuis plus d'une trentaine d'années et qui correspondait à une hypothèse de David Reed émise en 1991 sur la répartition globale des symbioses. Ce qu'on a vu avec ce travail, c'est qu'on va retrouver les ectomycorhizes dans les climats froids, où la décomposition de la matière organique est très lente, alors que les endomycorhizes à arbuscules, on va les trouver dans les climats tropicales humides chauds. Et enfin, le dernier type de symbiose, les bactéries fixatrices d'azote, ils vont avoir une aire de répartition très restreinte au climat aride et chaud. Donc ce qui est important, c'est ça, c'est que ce soit lié au climat et que bien sûr le climat change? Tout à fait, absolument. Un deuxième résultat très important, c'est que les ectomycorhizes ne constituent que 2% des espèces végétales, et on s'est rendu compte à l'aide de cette cartographie qu'en fait 60% des arbres sur Terre sont des arbres à ectomycorhizes. Donc malgré leur niche évolutive très restreinte, en fait c'est un succès évolutif majeur. Alors ceux qui ont bien réussi là, les ectomycorhizes, rappelez-nous, c'est ceux qui rentrent dans la racine, c'est ça? Non, c'est ceux qui restent à l'extérieur des racines et qui font un mycélium, un espèce de manteau, de manchon de mycélium autour des racines des arbres. Alors, dans ce travail, vous allez un peu plus loin, puisque vous vous projetez jusqu'en 2070, dans un monde qui, bien sûr, s'est réchauffé. Qu'est-ce qui va changer pour ces champignons en particulier et pour les forêts de la planète, alors? Voilà, donc on fait un exercice de modélisation, de simulation, pour comprendre comment ces associations pouvaient être modifiées avec les changements climatiques en cours. On s'est situé dans un scénario qu'on appelle le RCP 8.5, c'est-à-dire le scénario historique d'augmentation des températures. Et le résultat qu'on a obtenu, c'est qu'en 2070, on a globalement 10% des ectomycorhizes qui disparaissent de la surface de la planète et qui sont remplacés par d'autres types de symbioses. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour les forêts et pour le climat, ces ectomycorhizes qui disparaissent? Alors les ectomycorhizes, en fait, elles sont très intéressantes pour le climat pour plusieurs raisons, pour trois principales. La première, c'est qu'elles accélèrent la vitesse de la photosynthèse en réponse au carbone atmosphérique. Ça veut dire qu'elles vont augmenter l'entrée de carbone dans les écosystèmes. La deuxième raison, c'est qu'elles inhibent la respiration du sol par les micro-organismes décomposeurs, et donc de ce fait, elles vont diminuer les sorties de carbone de l'écosystème. Et la dernière raison, c'est qu'elles ont tendance à favoriser des arbres qui produisent une litière qui va se décomposer très lentement. Du coup, sans les ectomycorhizes, globalement, le cycle du carbone est plus rapide et les stocks de carbone dans les sols diminuent. On peut dire en fait que les ectomycorhizes, ce sont des sortes de tampons qui limitent l'impact de l'augmentation de carbone liée aux activités humaines. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau, ce nouveau cycle, j'ai envie de dire, néfaste pour le climat avec la disparition de ce type de champignons ? C'est quelque chose qui était soupçonné parce qu'il y avait déjà eu des expérimentations de transplantation d'arbres de zones tempérées vers des zones plus froides, et on voyait que globalement il y avait moins d'ectomycorhizes, mais c'était pas un résultat qu'on avait à une échelle aussi globale. Donc ça, c'est une modélisation à l'échelle de 2070, c'est ça, avec une augmentation de température de 8,5 degrés. J'ai bien compris ce que vous nous disiez tout à l'heure, Bruno Héroux. Non, c'est pas exactement ça. C'est le forçage radiatif, oui, qui est de 8,5. C'est un des scénarios du GIEC. Mais c'est concrètement, ça veut dire c'est le scénario historique. Alors là, on a parlé un petit peu des zones tempérées qui vont se réchauffer, mais les zones tropicales déjà chaudes, qu'est-ce qu'elles vont devenir dans un climat encore plus chaud, mais pas forcément moins humide ? Alors ça, c'est toujours une question qui est compliquée à traiter, parce que, pour savoir que peuvent devenir des zones tropicales avec des températures moyennes qui dépassent 30, 32, 33 degrés, il faudrait avoir des écosystèmes qui sont déjà soumis à ces conditions climatiques, et on n'en a pas trop sous la main. Donc on en est réduit à faire des projections à partir de modèles, et notamment de modèles physiologiques. Et le modèle le plus robuste, c'est le modèle de la photosynthèse. Et on voit que l'efficacité, la performance de la photosynthèse diminue au-delà d'une température comprise entre 30 et 32 degrés. Donc ça veut dire que globalement, ces zones tropicales qui vont devenir plus chaudes vont avoir des niveaux de productivité, de croissance des arbres qui va diminuer. Merci beaucoup en tout cas Bruno Héroux pour ces explications. Publication à la une de Nature, et vous étiez en direct de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Axel, à demain. À demain, Mathieu. La poésie s'en est allée, je la soupçonne d'être passée par chez toi. De s'être allongée dans ton lit et d'avoir écouté la pluie sur le toit. Elle avait si peu à confier, pas du genre à trop s'épancher quelques mots. Qu'elle a laissé sur ton bureau quelques ratures au stylo, puis elle s'en est allée, puis elle s'en est allée. Il nous a fallu quelques jours pour être moins aveugle et sourd et trouver que l'air était un peu plus lourd, nos épaules un peu plus rentrées et pensées. Qu'après avoir tant annoncé, un départ mille fois reporté, ôter le manteau du crochet où depuis des siècles il pendait, puis s'en était allé, puis s'en était allé. Sommes-nous des enfants perdus, la forêt à perte de vue, ou le soir refuse de nous abandonner, de laisser à l'obscurité tout pouvoir. Sur notre histoire mal engagée, la pleine lune est convoquée pour déjouer les pièges d'une nuit trop noire, aux abords d'un abattoir, sans un poème. Thank you. sais pas pourquoi j'ai pensé qu'elle n'avait pas pu s'en aller sans passer. Par chez toi et sur ton bureau, j'ai vu les ratures au stylo, quelques mots qui se sont glissés sous ma peau, sur ton visage et sur tes mains, ils ont pris le rythme d'un cœur en sursis, et leur pouls était faible aussi, mais il faudrait s'y raccrocher, mais il faudrait s'y raccrocher. Un peu de poésie avec la voix de Dominique A. La tête au carré, Mathieu Vidard. Loin des vagues dévastatrices des océans du monde, les eaux du lac Léman baignent placidement les rives franco-suisses. Qui pourrait imaginer qu'un tsunami balaye ses rives, où près de 2 millions d'habitants et nombre de touristes profitent de la douceur de vivre qu'offre la plus grande réserve d'eau douce d'Europe occidentale. Personne n'y pense, car le Léman est un lac de loisirs. Et pourtant, le danger existe bel et bien. Ça fait peur, un vrai film d'horreur, un tsunami sur le Léman, extrait de ce film de Laurent Grenicher, pour parler justement de cet événement qui s'est passé il y a quand même assez longtemps, vous allez le voir. Dossier de la tête au carré avec mes invités Stéphanie Gérard-Claude, donc l'hymnogéologue, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, dans ce département des sciences de la Terre et de l'Institut de l'Environnement à l'Université de Genève, et Pierre-Yves Frey, donc journaliste scientifique et géologue de formation, et ce livre donc qui est paru, un tsunami sur le Léman, Torre d'Unum 563, avec Sandra Maronjou aux presses Polytechnique et universitaire romande, avec des questions pour vous des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Ce documentaire, ça a été la première étape, on le disait tout à l'heure Pierre-Yves Frey, et puis maintenant le livre qui arrive, donc c'est toute cette histoire que vous racontez autour de ce tsunami. Est-ce qu'elle était connue des Suisses ou pas, cette affaire de raz-de-marée sur le Léman? Alors elle n'est pas connue, si vous voulez, dans la culture populaire globale. Je pense qu'elle est connue localement parlant, parce que dans le canton du Valais, là où ça s'est produit, on en avait des échos au 19e siècle et on racontait ça encore au 20e siècle aux enfants. Oui. Mais alors pas du tout selon le scénario ensuite qui s'est réellement déroulé, mais effectivement on entendait des choses comme quoi là-haut sur la montagne un monastère a été écrasé par une chute de pierre et puis qu'ensuite bref, donc il y avait des échos, mais ces échos là il faut le savoir ne viennent pas du 6e siècle, ils viennent de beaucoup plus tard, ils viennent probablement du 19e, peut-être du 18e. Oui, donc c'est une affaire qui était quand même très très commentée, hein, on a entendu presque tout et son contraire, et puis enfin la science a parlé, et c'est grâce à vous Stéphanie Gérard-Claude avec Catherine Crémer, puisqu'on va retracer un petit peu l'histoire de votre découverte. Tout démarre en 2010, hein, vous êtes sur votre petit bateau, donc sur le lac Léman, pour aller étudier les sédiments comme vous nous l'expliquiez. Et là, assez rapidement, vous constatez une anomalie dans les analyses que vous faites, hein, c'est ça ? Oui, ça vient assez vite. Donc en fait, on est dans un jour normal, sur notre bateau, comme d'habitude, la routine quoi. Et puis on fait des zigzags sur le lac, comme on fait d'habitude, pour enregistrer des lignes en géophysique, en sismique réflexion. Donc nous imageons le fond du lac. Oui. C'est des images en vertical, un peu comme des échographies. Vous pouvez imaginer une cartographie que vous souhaitez procéder ? Oui, en fait, c'est vraiment comme des tranches de gâteau, on voit les couches. Donc on enregistre en fait une image verticale en passant sur un chemin. Et puis, comme d'habitude, comme ça dure des heures, on commence à discuter. Et puis à l'écran, on voit que il y a un truc pas habituel. Ça, vous ne l'aviez jamais vu. Ce que vous constatez là, à ce moment-là, sur cet écran, vous ne l'aviez jamais vu. Dans l'élément, non. C'est-à-dire que je l'avais déjà vu dans d'autres lacs, parce que dans ma formation, j'avais été sur d'autres lacs où il y a également des dépôts de ce type-là, qui sont d'ailleurs également catastrophiques. Donc j'avais appris, en fait, à les reconnaître. Il y avait un petit peu la pensée qu'on connaissait déjà tout sur le Léman. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai même eu d'ailleurs cette remarque. On sait déjà tout. Pourquoi tu as fait ça? Et puis, je savais que c'était une idée fausse parce que j'avais étudié toutes les publications et je savais qu'en fait, finalement, on connaissait bien les premiers mètres, mais pas ce qu'il y avait en dessous. Malin. Bon, c'est un peu notre métier en même temps. Oui. Et donc, je savais qu'il y avait un potentiel de choses à découvrir. Ça m'intéressait beaucoup de retrouver les grands événements de crue du Rhône, dans le lac, donc préhistorique, pour lequel il n'y a pas de source. Puis on était partis dans cette optique et on regardait nos données avec intérêt. Et finalement, ben, ce qui est apparu à l'écran, c'est qu'il y avait relativement proche de la surface, à quelques... C'était 7 mètres, à peu près 5-7 mètres, sous la surface des sédiments, un énorme paquet de sédiments. Et ça, ça se voit extrêmement bien sur ce type de ligne. Sur quelle surface, à peu près, il s'étend ? Ah ben justement, c'est qu'en fait, quelques minutes après être parti du port, ça a commencé, et puis ça s'est épaissi, et puis épaissi, et puis épaissi, jusqu'à qu'on arrive au centre du lac où c'était très épais. Là, c'était à peu près, je crois, à cet endroit-là, 7 mètres, mais il y a des endroits où c'est même 10 mètres. Et puis, on a parcouru après le reste de la semaine tout le fond du lac, et c'était présent sur tout le fond du lac. Et ça, personne ne l'avait jamais vu avant vous ? Non. Incroyable. Ben oui, mais c'est, en fait, c'est un petit peu, voilà, quand on pense qu'on sait, parfois, c'est un obstacle. Oui, c'est ça. Et donc, vous parlez de dépôt catastrophique, ça veut dire quoi cette expression exactement ? Ah oui. Oui, alors c'est vrai que c'est un terme de géologue. Ouais. En géologie, en fait, on a vraiment la notion des choses qui se font graduellement dans le temps, petit à petit. Et puis, on utilise le mot catastrophique pour parler d'événements qui sont très soudains et qui ont des ordres de magnitude très supérieurs à ce qui se passe d'habitude. Et finalement, on est très habitué en géologie à passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, il y a l'érosion ou les dépôts qui se font petit à petit, graduels. Et puis, c'est ponctué toujours, toute la géologie est faite de ça, d'événements qui, eux, sont beaucoup plus gros que les autres et qui sont aussi beaucoup plus rares. Et donc là, vous voyez cela, ce dépôt catastrophique, et vous faites l'association avec le tsunami immédiatement ou ça demande un petit peu de temps, ça ? Si, on le fait tout de suite. Ouais. Parce qu'en fait, quand j'avais justement écrit mon projet, j'avais revu toute la littérature et j'avais retrouvé la trace de cette histoire de 563 que, en fait, à vrai dire, je m'étais pas vraiment intéressée avant. Et je m'étais dit que peut-être cet événement avait laissé une trace dans le lac. J'imaginais jamais ça, en fait. Mais j'imaginais qu'il y aurait peut-être une petite couche et que ça serait bien pratique parce qu'en identifiant cette petite couche, on aurait une datation très précise. Ouais. Et bon, en fait, on a fait des bêtes règles de 3 en connaissant le taux de sédimentation dans le lac pour voir si c'était possible que ça soit ça. Puis en fait, ça marchait très bien. Puis on s'est dit, ah ouais, ça, si c'est ça, ça va être une belle histoire, quelque chose de vraiment intéressant. Mais évidemment, on n'était qu'au tout début. Hein. Il fallait encore faire tout ce qui a suivi. Pierre-Yves Fray, c'est là que vous sortez vos caméras, un petit peu plus tard, hein, parce qu'il faut attendre évidemment quand même que les choses se précisent, qu'il y ait une rédaction aussi des faits. Hein. Mais vous êtes là frétillant, j'imagine. Ouais. Parce que raconter l'histoire. Finalement, le but du journaliste, c'est quand même de raconter des histoires. Puis là, j'avais vraiment l'impression qu'on m'en offrait une sur un plateau. Et donc, j'ai commencé simplement à tirer un peu sur la ficelle, parce que je me souvenais pas du tout de mon histoire, et le 6e siècle au bord du Léman, aucune idée, quoi. Donc là, tout d'un coup, que j'ai découvert que c'était la basse antiquité, que c'était le début du Moyen-Âge, je me disais, ouh, il y a plein de choses qui changent, c'est très intéressant, puis j'ai commencé à mettre le doigt dedans, et puis là, c'était absolument passionnant. Alors, j'ai tout de suite dit à Stéphanie, faut faire un documentaire. Moi, j'étais journaliste écrit, j'avais jamais fait de documentaire, et il a fallu une rencontre, heureusement fort belle, avec Laurent Grenichère, l'organisateur. Et là, c'est devenu une vraie bande de copains. En fait, on s'est tous enthousiasmés pour cette histoire et on l'a construite. Mais moi, j'avais accumulé tellement d'archives. Du coup, en 52 minutes, dans un 52 minutes, on raconte pas grand-chose. Et je me suis dit, faut que je fasse un livre derrière parce que il y a trop de choses à raconter. Ouais. Donc, il y a eu le doc qui est sorti sur Arte pour les Français et qu'on peut toujours voir d'ailleurs sur le site de la radio-télévision suisse romande. C'est exact. Il est toujours en lien disponible. Et donc, il fallait retracer cette histoire qui emprunte justement beaucoup à l'histoire et aux écrits aussi. Ça vous a servi aussi dans votre travail scientifique pour votre publication ensuite ? Ah, c'était fondamental, en fait. C'était un élément très important parce que c'est assez rare qu'on ait des événements géologiques importants qui soient racontés dans un temps si ancien. Ouais. Et là, on avait l'articulation entre un récit historique, Et puis notre construction scientifique. Vos observations de terrain. Avec des quantifications, avec des chiffres, des volumes. Puis après, la modélisation numérique qui permettait de retracer, mettre du temps dans ce processus qui, lui, n'était pas raconté par l'histoire. Parce que le récit, c'est un beau récit, mais en même temps, c'est pas très détaillé. Ça raconte les choses comme on les raconterait si ça se passait aujourd'hui. Et donc, finalement, c'est l'interaction, voire même l'intersection entre les deux qui était passionnante. Et ça, oui, c'est quand même rare parce que on a énormément d'informations sur les catastrophes naturelles depuis à peu près le 16e siècle, puis de plus en plus avec le temps. C'est-à-dire, plus le temps est récent, plus il y a d'informations. Mais tout ce qui précède, on a très peu, parfois même rien du tout. Donc ça, c'était un élément vraiment décisif parce que le début du processus, à savoir le fait qu'une montagne s'est écroulée, on pouvait évidemment pas le retrouver dans le lac, vu que ça s'est pas passé dans le lac. Oui, alors justement, c'est ça, c'est que vous trouvez les preuves loin du lieu finalement où a démarré l'événement, mais c'est une cascade précisément d'événements qui se sont succédés. On va les décrire dans un instant ensemble, et on va d'abord écouter un nouvel extrait de ce film, Un tsunami sur le Léman. Il y est question d'ailleurs d'évêques qui ont joué un rôle important dans ces écrits historiques. Sous le consulat de Basile, la grande montagne de Torredonum, dans le territoire du Valais, tomba si subitement qu'elle couvrit un château dont elle était voisine et des villages avec tous leurs habitants. Elle agita tellement le lac que, sorti de ses deux rives, il détruisit de très anciens villages avec hommes et troupeaux. Il engloutit plusieurs lieux saints avec ceux qui les desservaient. Il entraîna avec furie le pont de Genève, les moulins et les hommes. Et, étant entré dans la cité de Genève, il y fit périr plusieurs personnes. Voilà Pierre Ifray et ses évêques, ce sont un peu les journalistes de l'époque finalement, dans leur description des faits. Oui, ce sont des journalistes et puis des historiens. Beaucoup d'évêques à cette époque, en fait, font œuvre d'historiens. Pourquoi ils écrivent une histoire universelle de la chrétienté? Il s'agit de tout écrire sur tout. C'est pas forcément une œuvre concertée, mais il y a eu, disons, des pères de l'Église qui ont commencé cet exercice au 3e siècle après Jésus-Christ. Et puis ensuite, chaque évêque a continué à sa convenance. Et alors sur cette histoire, effectivement, on a deux témoignages et deux témoignages très différents. Ils sont pas concordants? Alors, ils sont pas concordants, et puis le style est complètement différent. Vous prenez Marius d'Avenches, donc Avenches qui se trouve aujourd'hui en Suisse, sur le plateau suisse. C'est quelques lignes, une dizaine de lignes à tout casser, un style hyper concis, très précis. Ouais. Et puis de l'autre côté, vous avez Grégoire de Tours, qui est comme une grande personne de votre histoire, vous les Français, qui alors lui est extrêmement flamboyant. Il y a la concision suisse d'un côté, la flamboyance française de l'autre. Ouais. Et alors beaucoup moins précis, il cite même pas le Léman. En revanche, il y a le même terme, Torredonum, Torredonum, et donc on peut vraiment très vite faire le lien entre les deux. Qu'est-ce que c'est le Torredonum, Stéphanie Girard-Clot, alors pour les Français qui ne connaîtraient pas forcément ce lieu? Ah ben dans l'absolu, on ne sait pas, parce que c'est... Est-ce que c'est... Alors, c'est le fort, et c'est probablement par association l'église et le village qui étaient autour, mais c'était peut-être aussi la montagne. Mmh. Peut-être que Pierre-Yves à plus regarder ça en détail. Non, je pourrais pas dire plus que toi. Effectivement, je crois que les linguistes en sont encore à discuter exactement du terme. C'est même pas du latin, ce serait peut-être des termes qui seraient gaulois. Enfin, mais géographiquement, alors on est où exactement par rapport au lac Léman? Parce que c'est ça qui nous intéresse, finalement. Oui. Alors, on est dans la plaine du Rhône, en amont du Léman. Oui. Dans la zone deltaïque du Rhône, en amont du Léman. Mmh. Et on est dans un endroit où probablement le rivage du lac n'était pas très loin, puisqu'en fait, en 1500 ans, il s'est évidemment déplacé, ce rivage. Il a grandi en direction du lac. Et donc, c'est un endroit qu'on situerait aujourd'hui autour de la localité de... des Évouettes, de Neuville. C'est en fait un endroit où aujourd'hui, dans la plaine du Rhône, avec la correction du Rhône, où il y a beaucoup d'agriculture. Ouais. Et il y a quelques petites localités, mais voilà. C'est... En même temps, l'endroit, le Torodenum, tel que le raconte l'histoire, il a été englouti, hein, donc ouais. Ça n'existe plus. La montagne s'écroule et va suivre donc quelques événements et ensuite donc à la fin le tsunami. On va décrire les étapes dans un instant parce que c'est assez fascinant et on a d'ailleurs une modélisation qui est très bien faite dans le film qui aide bien à visualiser ce qui a pu se passer à l'époque. C'est le sujet de La Tête au Carré avec les messages des auditeurs qui arrivent pour vous sur le site de l'émission. Your hand, I wonder, could I taste the difference? Now I'm no longer in the man, and I don't see it clearly. Must have had too much, but I don't want it another way. See, I must be losing touch. If you see me with another, another one losing my arms, just remember not to bother. I'm never gonna let you down again. And if you catch me with another, another one that's been around, whatever you may think of her, I can never let you down again. It's all about trust. Smooth injuries, we had it coming soon. I wonder, could I hear the difference now that you've changed the tune? I rambled on so anyway. Oh, can we call it quits? And is this what I need to take away? It's checkmate in my mind. So if you see me with another, another one who's in my arms, just remember not to bother. Catch me with another, another one that's been around. Whatever you may think of it, I can never let you down again. It's all about trust. I'm never gonna let you down again. C'était Balthazar. La Tête au Carré sur France Inter. En 2010, Stéphanie Girard-Clot, accompagnée de sa collègue Catherine Acrémer, étudie les anciennes crues du Léman et tente d'en trouver les empreintes dans les sédiments. La catastrophe du Torridonum n'occupe pas du tout leur esprit. Pour observer les sédiments sur plusieurs mètres d'épaisseur, les chercheuses utilisent une sorte de sonar sophistiqué, une technologie appelée sismique réflexion. Et soudain, l'antique tsunami ressurgit des entrailles du Léman, car l'appareil révèle l'existence d'une preuve de la catastrophe qui dormait au fond depuis 1500 ans. Voilà, résumé donc de ce que nous disons tout à l'heure pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, extrait de ce film Un tsunami sur le Léman. Et nos invités, donc Stéphanie Girard-Clot, l'hymnogéologue, et Pierre-Yves Fray, journaliste qui a justement s'est occupé de ce film et qui est auteur également de ce livre qui paraît. Myrtille, sur le site de l'émission, demande est-ce que d'autres tsunamis ont pu avoir lieu auparavant sur le lac et quelle serait la fréquence de ces événements? Est-ce que là, la géologue peut nous le dire ou pas, oui. Stéphanie Girard-Clot, oui. Ouais. Alors sur le passé, mais sur la fréquence des événements. Oui. Ouais. Alors, d'abord, il y a eu deux événements historiques. Alors là, en fait, c'est pas la géologie. Celui de 563 et un autre en 1584 qui était lié au tremblement de terre d'Aigle. Donc, ouais. Là, on a déjà une indication que c'est arrivé plus qu'une fois. Mmh. Et puis, en regardant dans les sédiments, donc en dessous de cette énorme couche de 563, il y en avait d'autres. Oui. Et donc en tout, on a pu reconstruire 6 événements. Ah oui, quand même. Dont le plus ancien était à 1730 avant Jésus-Christ. Alors c'est pas le plus ancien qui a eu lieu, parce qu'il y en a eu sûrement encore beaucoup d'autres, ouais. Mais c'est les dernières traces. Voilà, le dernier qu'on a détecté et qu'on a pu dater. Et donc en fait, ça nous donne 6 tsunamis pour 3750 ans et donc une fréquence moyenne de un peu plus de 1 tsunami et demi pour 1000 ans. Voilà, mais ça, ce sont des moyennes. C'est des moyennes. Évidemment. Hein, c'est pas très... de la probabilité. Ouais. C'est en fait un nombre d'événements par unité de temps. Ouais. Mais finalement, ce qu'on a trouvé avec la géologie, ça donne quand même à peu près le même chiffre que ce qu'on a avec l'histoire. Ouais. Donc, peut-être que c'est juste. Bon. Donc ça voudrait dire qu'on aurait encore un petit peu de temps devant nous avant le prochain ou... Ah non, ça on peut pas dire. Ben voilà, c'est ça. Non, ça on peut pas dire parce que si on regarde la façon dont les événements se sont égrenés dans le passé, ils n'étaient pas non plus à intervalles très réguliers. Ouais. Et comme en fait on connaît pas le déclenchement, il y a un événement pour lequel on soupçonne un très gros tremblement de terre, c'est justement le plus ancien détecté, mais pour les autres on n'en connaît pas la cause. Ouais. Et à partir du moment qu'on connaît pas la cause, c'est extrêmement difficile de partir dans des probabilités et de savoir en fait qu'est-ce qui les déclenche. Pierre-Yves Fray, on a un message de Jean-Paul également sur le site de l'émission qui demande « Est-ce qu'on sait ce que pensaient les habitants de cette catastrophe? Est-ce que c'était la colère des dieux pour eux, car la religion tenait une place très importante dans leur vie ?» Je crois qu'il a tout à fait raison. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec certains historiens locaux, comme Justin Favreau, qui connaît très très très bien cette époque, qui m'a beaucoup aidé, etc. Et effectivement, il y a une lecture qui est pas du tout une lecture ni scientifique, ni phénoménologique, etc. Ouais. C'est Dieu. Ensuite, reste à imaginer pourquoi Dieu a provoqué cette catastrophe et qu'est-ce qu'on a fait de mal. Donc il y a une culpabilité. Ouais. En plus, on a un rapport à la mort qui est complètement différent. Elle est beaucoup plus présente qu'aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire qu'on pleure pas ses morts, mais on les pleure vite et on reconstruit très vite parce qu'il s'agit de survivre. Donc je pense que voilà, c'est à peu près ce qui se passe à l'époque. Jocelyne demande, comment est-ce que vous datez précisément ces événements, Stéphanie Girard-Clot? Quels sont les outils alors? Alors, en fait, après nos mesures, on a fait des prélèvements avec des carottes, de longues carottes. Ouais. Qui faisait plus de 10 mètres de long. Et à l'intérieur des sédiments qu'on a récupérés, on a cherché de la matière organique. C'était des petites feuilles, là, ou des aiguilles de pin. Et puis, on les a datées avec la méthode du radiocarbone. Ce qui, évidemment, donne des âges qui ont des erreurs assez larges. Hein. Ça peut être plus ou moins 50 ans, plus ou moins 100 ans, plus ou moins même 200 ans, suivant les datations. Ouais. Et voilà. Donc, ça nous donne, en fait, un laps de temps assez large. Mmh. Pour celui de 563... la datation était également assez large, mais autour du 6e siècle. Et puis là, c'est justement les informations historiques qui permettent de donner l'information à l'année près. Alors, comme il nous reste peu de temps, malheureusement, il faut retracer quand même les étapes de l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu effondrement de montagne. La roche, énorme quantité, hein, donc s'écrase dans la plaine. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est mais ça, alors, comment on passe de la plaine au lac Léman pour provoquer une vague? Alors, il y a certainement eu des phénomènes de liquéfaction qui ont fait qu'une partie de la masse s'est enfoncée dans la plaine. Oui. Et puis, ce qui est aussi certain qui a dû se passer, c'est que cette masse, elle a dû pousser les sédiments en direction du lac, en faisant avancer le rivage. Et là, il y a dû avoir un collapse, c'est-à-dire un écroulement du delta, delta sous la lacustre. Et ça a déclenché dans un deuxième temps un événement plus large en termes de volume que le premier, où une masse très très importante du delta qui était sous l'eau est partie comme une sorte d'avalanche, et puis a dévalé le lac, enfin la pente, et puis après s'est mélangé, s'est mise en suspension, puis s'est redéposé au fond du lac. Et c'est ça qu'on a trouvé, en fait. C'est cette énorme couche dont les grains de sable grossiers sont à la base et les fines au sommet, parce qu'en fait, ça s'est redéposé tranquillement. Mais entre la roche qui tombe de la montagne et le lac, il y a combien de kilomètres qui les séparent, juste pour avoir un ordre d'idée ? On ne sait pas avec certitude, parce qu'il n'y avait pas de carte à l'époque, mais on imagine que la distance n'était pas gigantesque. Elle devait être de l'ordre de... moins d'un kilomètre. Oui, c'est ça. Sinon, c'est pas possible. Non, c'était probablement quelques centaines de mètres. Ça a dû être assez proche. Ouais. Donc voilà, là, on a vraiment le scénario qui est d'ailleurs très bien modélisé dans votre film, Pierre Ifray. Et ça, on le doit aussi à un scientifique, parce qu'il faut faire ce travail, justement, de mise en image aussi des événements. En mise en équation, je dirais, de la part de Guy Simpson, qui est donc un collègue de Stéphanie à l'Université de Genève. Et c'est tout un travail, la modélisation. Et en fait, je crois, il me disait que c'était plus compliqué de faire ça dans un lac que dans un océan. Parce que dans un lac, toutes les rives sont autant de miroirs. Donc en fait, ça reflète les ondes. Et c'est très compliqué de modéliser un tsunami dans un lac, bien plus compliqué que dans un océan. Ouais. Parce que l'océan est ouvert, alors que le lac renferme tout. Et donc, j'imagine, des calculs, des milliers de calculs qui se croisent. Oui, ça donne des modèles qui sont beaucoup plus instables et du coup, c'est beaucoup plus compliqué en fait à gérer. Donc, on peut quand même retracer le scénario de ce qui s'est passé à partir du moment précisément où la roche tombe dans le lac et provoque cette vague qui va submerger donc Genève en bout de chaîne. Et alors, c'est quoi à peu près les vitesses enregistrées, les hauteurs de la vague et le temps entier de la propagation de la vague? La vague, elle s'est propagée à peu près à 100 km/h sur le lac. 100 km/h, oui. Ouais. C'est classique pour une vague de ce type. Mm-hmm. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a modélisée après avec différents volumes et la vitesse, en fait, ne change pas tellement. Ouais. Donc, ce qui change quand on change le volume, c'est la hauteur de vague. Ouais. Donc, elle a mis à peu près 70 minutes à arriver à Genève. Ouais, donc, d'un bout à l'autre, quasiment, exactement, du lac. Il y a combien de kilomètres sur le lac Léman? Aussi, juste pour quelques 70 kilomètres. Voilà. 70 kilomètres, voilà. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, les hauteurs de vagues ont été très variables selon les endroits, puisqu'en fait, c'est la topographie qui influence la hauteur de la vague. Donc, le long du rivage. Et là, elle est passée aux endroits les plus hauts. C'était autour de 13 mètres, par exemple, à Lausanne. C'est une belle bête, quand même, En fait, ça classe le tsunami dans les tsunamis les plus hauts. En fait, si on devait le classifier dans la classification actuelle des tsunamis, ça serait un tsunami qui serait aussi grave que celui qui a eu lieu à Fukushima au Japon. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un événement majeur en termes de tsunami. Ouais. À la fois dans la hauteur de vague et à la fois dans la force de traction, en fait, qu'elle a exercée. Donc, il y a toutes les étapes, passage par Lausanne, les côtes de Lausanne. Voilà. Et puis, en fait, en arrivant dans le petit lac vers Genève et en finissant, en fait, à la fin du lac à Genève même, par l'effet de resserrement, la vague s'est aussi énormément montée. Et la toute première vague, elle a dû avoir la hauteur à peu près de 8 mètres. 8 mètres, oui. Et des modélisations qu'on a faites par la suite ont montré que c'était pas la plus haute, puisque c'était en fait à la troisième, voire à la quatrième vague que c'était le plus haut. Et là, ça a même atteint des valeurs plus hautes. Conséquence pour Genève à l'époque, donc en 563, Pierre Ifray, qu'est-ce qui s'est passé pour la ville? Il semblerait qu'il y ait eu plusieurs centaines de morts, des têtes de bétail évidemment. Pas de destruction majeure sur la ville, parce que si les vagues effectivement étaient léchées, les premières murailles, je doute qu'elles les aient détruites. En revanche, c'était des conséquences pour tout le bord du lac aussi. Oui, ça vaut aussi pour la côte française, les régions de Thonon et Vion, etc. Plusieurs églises auraient été détruites, plusieurs centaines de morts. Mm-hmm. Patrice nous dit, si un prochain tsunami a lieu sur le lac Léman, ce qui risque d'arriver, cela devrait entraîner des dégâts considérables. Est-ce qu'on peut déjà estimer ce qui se passerait ou pas? Oui, alors on a pu le faire seulement pour le petit lac, pour des questions de calcul, de modélisation numérique. Et si exactement le même événement arrivait, il y aurait exposé 84 000 personnes qui risqueraient d'être emportées. Et ça ferait certainement des milliards de dégâts parce qu'en fait, on a évidemment beaucoup construit et il y a maintenant beaucoup de gens autour du lac. Au bord du lac, vraiment. Qui habitent au bord du lac, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Ouais. Donc, il faut quand même le savoir et s'en préoccuper quand on habite autour de ce lac Léman. Toute cette histoire passionnante, donc c'est ce livre, Un tsunami sur le Léman, Torre des Noms 563, Pierre Ifray, que vous signez. Chez quel éditeur, vous nous le rappelez? Les PPUR, les presses polytechniques et universitaires romandes. Toujours le film, Un tsunami tsunami sur le Léman qu'on peut voir donc sur le site de la télévision, radio-télévision suisse romande. Et puis il y a également le film qui sera diffusé à Genève dans le festival à contre-courant. Ce sera au mois d'août, donc on a encore un petit peu de temps. Et puis cette exposition, un tsunami sur le Léman, au musée du Léman. On peut la voir en ce moment là oui. aussi. Hein. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus de Genève nous raconter beaucoup. Cette Merci. Histoire. Tous les liens sont sur le site de La Tête au Carré. Sur France Inter, il est 14h49.